Exercice 5, page 80. Il est 1 heure. Elle a une preuve. Il est 2 heures. Elle a 2 fleurs. Il est 9 heures. Elle a 9 sœurs.